10h montre en main. C'est l'heure du spectacle, tout le monde le sait bien. C'est l'heure du spectacle, jusqu'au petit matin. C'est l'heure du spectacle, 5, 4, 3, 2, 1. Tiens-toi bien, c'est l'heure du spectacle clandestin. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure du spectacle clandestin. C'est l'heure, c'est l'heure. Danser sans faire de bruit. Protégez vos oreilles. Buvez pas trop de jus de fruits. Les videurs vous surveillent. 10h montre en main. C'est l'heure du spectacle, jusqu'au petit matin. C'est l'heure du spectacle, tout le monde le sait bien. C'est l'heure du spectacle, 5, 4, 3, 2, 1. Tiens-toi bien, c'est l'heure du spectacle clandestin. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure du spectacle clandestin. C'est l'heure, c'est l'heure. Fuyez les gens bizarres. Pogo interdit. Ne foutez pas le bazar. Les videurs sont vos amis. Montre en main, c'est l'heure du spectacle, tout le monde le sait bien. C'est l'heure du spectacle, jusqu'au petit matin. C'est l'heure du spectacle, 5, 4, 3, 2, 1. Tiens-toi bien, c'est l'heure du spectacle clandestin.